Cinquième signe, c'est le Saint béni soit-il, ramenant le soleil à la ténèbre pendant 30 jours, comme il est dit. Le soleil se changera en ténèbre, la lune en sang, avant que ne vienne le jour de Yahvé, grand et redoutable. Après 30 jours, le Saint béni soit-il, l'aura ramené comme avant, comme il est dit. Ils seront rassemblés, troupes de prisonniers conduits à la fosse. Ils seront enfermés dans la prison. Après de nombreux jours, ils seront visités. Et les nations du monde prendront peur et seront confuses, et sauront que tous ces signes étaient pour Israël. Beaucoup d'entre eux deviendront juifs en secret, comme il est dit. Ceux qui servent des vanités trompeuses, c'est leur grâce qu'ils abandonnent.